En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tazu Sibon, le parquet sud-coréen a déclaré le 12 la détention de 3 ans et la suspension de droit de 3 ans au professeur Kim Sang-il, savant coréen aux États-Unis en vertu de violation de la loi sur la sécurité. Il a été incriminé pour avoir écrit dans les publications sur la réunification nationale et l'histoire du mouvement anti-japonais.